J'suis divisé dans mon crâne comme le centaure. C'est en m'approchant du fond que je prends forme. Petit tombé dans le whisky, j'm'en sors. De percuter mélancolia, je rêve encore. Magicien dans à DBC. Jeune fou, j'suis là-bas, t'es ici. Hiéroglyphe, j'suis invisible. J'ai mes Aza comme disciple. Dans le miroir, j'ai aucune confiance. Pathologie de nature consciente. Ne rien attendre et l'abus de bon sens. Dans l'insolence et la pensée qu'elle a su me comprendre. Yeah, basse tête à la morsure profonde. Dis-moi qui va t'accompagner jusqu'au front. Dans un taureau fait de métal afin d'apaiser le feu, je me suis trouvé prêt à plonger dans une eau sombre. Yeah, marche de travers sur l'échiquier. Hey, j'suis deadman pour me sauver, y'a personne. Hey, j'suis pas sans visage et sans visage. Hey, ils font tous pareil pour exister. Hey, traverse mon quotidien peureuse. J'entends la sorcière, elle est pleureuse. Travail discernement, fiction, réalité. J'suis dans le phare mais la membrane est poreuse. Gang, je ne t'apprécie pas quand tu respires. Soit t'es malheureux, soit t'es imbécile. Tu m'as dit bilité comme un récif. De loin je t'aperçois, de près t'es agressif. J'ai trop de fierté comme un corse. Juste un caillou dans le torse. Frangin t'es bleu comme un cop. Et fial test, t'as pas l'étoffe. Le sage est un autre, les autres c'est l'enfer. Leur conscience est morte, ils ont tué le cerf. Mon frangin, j'suis pas vraiment sain d'esprit. J'regarde l'herbe du voisin, c'est du synthétique. Travaille mon gars, y'a pas de talent. J'sors un son d'un coup, ça parle flamand. Ma route est infinie comme round de l'enzyme sur phalange dans le vice transparent. Yes, pas de nouveaux amis, pirates, connais, pirates. Kimono est noir comme au Penchak Silat. Enfant, je sais qu'on m'a menti. Ces fils de putain sont pas gentils. Communiquer, j'ai pas envie. J'dois tout niquer, j'ai pas sans vie. Frelon, rien n'a changé dans mon lifestyle. Le regard est glacial dans le ventre, Akira. Memento mori, ma peur est abyssale. Prisonnier d'une colère, j'ai le poing levé comme Madiba. Fausse info, cul, mettez last day, hein. Manque de présence, j'suis dans last days, hein. Qui sont tous ces gens dans le backstage, hein. Mais qui sont tous ces gens dans le backstage, hein. Yeah. Vas-y, marche dans mes pas, j'suis Fred Astaire, yeah. Yeah. Ces voix dans ma tête ne veulent pas se taire, yeah. Yeah.